On va parler avec notre ami François Paquette. Salut François. Salut Denis, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. François, je parlais de ça avec notre nom. Il n'y a plus. Hier, j'avais sur quatre podcasts, puis je suis au Lac-Saint-Jean, j'avais trois affaires de Québec. C'est, remarque que sur Internet, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de ville, il n'y a rien. Hein. Sauf que, tu sais, j'avais François Lavoie qui a gagné un gros tournoi sur la PBA, qui était présenté sur Fox d'ailleurs. J'avais Michel Laplante avec les discutés des capitales de Québec. J'avais la marche de dimanche. Je me dis, crime, le sport, dans le temps des Nordiques, il y avait des émissions de sport de 5h à 7h avec Maximino, puis il y en avait le soir avec François Beaulieu. Ça a changé, puis pas pour le mieux, hein, quand tu regardes ça. Hein? Non, pas pour le mieux. Puis tu mentionnes, mais dans le temps des Nordiques, je pense que le jour. T'avais CJRP aussi. Qu'on soit d'accord ou non. Oui, t'avais CJRP qui avait les émissions aussi. Oui, oui, puis il y en avait des très bons qui travaillaient là. Mais tu sais, si les Nordiques revenaient, là, qu'on soit d'accord ou non en se disant qu'ils vont revenir ou pas, je peux te dire qu'il y a probablement deux ou trois stations qui changeaient complètement leur programmation soudainement pour avoir une émission de sport et tout ça. Mais il y a eu une époque qui a été fantastique jusqu'au départ des Nordiques. Il y a eu un passage à vide. Ensuite, CHRC Québec 800 ont pris le relais pendant un bout de temps. Puis quand ça a fermé en 2012, à partir de là, ça a été la fin des émissions. Puis en fait, c'est à Québec, c'est la radio universitaire Shiz qui faisait le plus dans les dernières années parce qu'ils faisaient du baseball, ils faisaient du hockey, des choses comme ça. Mais ça devrait pas être leur rôle. T'sais, eux, ils sont là pour développer des talents, puis les jeunes de l'université, puis tout ça. Ça devrait pas être eux qui ont à faire ça. Mais le problème, c'est qu'on a plus une station qui s'intéresse assez au sport pour en faire une vocation à temps plein. Écoute, sans faire une vocation à temps plein comme CHRC, c'était peut-être trop. Là, pour il n'y a pas le marché pour une émission de radio 100% sport à Québec. Il reste qu'il se passe quand même des affaires pour faire au moins une émission de sport. Tu sais, écoute, François Lavoie, c'est très gros ce qui est arrivé hier, là, puis en fin de semaine. Là, c'est l'équivalent de tournoi d'avoir gagné un tournoi majeur au tennis, au hockey. Puis c'est moi qui a parlé le premier. Après ça, c'est Stéphane Turcotte qui a suivi. Mais tu sais, est-ce que c'est pas normal? Hey François, je t'ai pas appelé pour te parler de la radio de Québec. Je t'ai appelé pour te parler de l'actualité du monde du sport. On va commencer. Une nouvelle très surprenante. Hier, en fin de soirée, hein, Stéphane Wade qui a été congédié, remplacé par Sean Burke. Coudon, Carey Price, il emmène l'âge. C'est sûr que quand tu paies ton gardien but 10 millions et demi, puis qu'il est sur la deuxième feuille pour les pourcentages d'arrêt, ça explique bien les affaires. Ouais, ben écoute, moi, il y a le timing là, que je trouvais vraiment, vraiment bizarre. L'heure de tomber, tu dis, voyons donc, quand ton coach vient de remporter sa première victoire dans la Ligue nationale, au lieu de parler de ça, on parle de Stephen Waite. Mais moi, où je suis pas à 100% d'accord avec toi, c'est que je pense pas que c'est Carey Price qui a demandé la tête. Non, non, c'est pas Carey Price. Moi, je pense plus que c'est Marc Bergevin a une décision à prendre. Il a probablement consulté ses gardiens, à savoir, tu sais, il faut quand même que tu aies une relation privilégiée et tout ça. Faut que tu prépares les choses, mais je trouve ça bizarre. Tu sais, habituellement, quand tu fais un ménage ou un mini-ménage, tu vas mettre tout le monde dehors en même temps. Donc, c'est bizarre le timing que Wade parte à peu près une semaine plus tard. Et le fait également que c'est comme si on n'était pas prêt. Et là, Sean Burke doit faire une quarantaine pour de deux semaines pour faire en sorte qu'il n'y a pas de danger avec la COVID dans une saison de 56 matchs. On dirait que à quelque part, ça semble être un peu de l'improvisation. Je comprends le geste, je le comprends très bien, mais c'est juste un peu ironique parce que tu sais, Price a quand même été bon hier, il a pas été très occupé, mais je veux dire, il a fait son travail. Le Canadien gagne, première victoire de Duchamp, puis on parle absolument de rien de ça ce matin en raison de la nouvelle de Stephen Wade. C'est pas Carey Price qui a demandé la tête, c'est que par contre, si Carey Price garde comme où il est pas dans la deuxième feuille pour les pourcentages d'arrêt, puis il est dans les 10 meilleurs là ce qu'il devrait être. Stéphane Wade n'est pas congédié. Là. C'est dans ce sens-là. Oh non, entièrement. Entièrement d'accord avec toi. Puis je veux juste dire aussi que dans le cas de Sean Burke, moi, je trouve que le pardonnez-moi l'expression, mais le fit est très bon parce que, tu sais, Sean Burke et Carey Price, il y a beaucoup de similitudes dans le style. C'est-à-dire, ce sont deux gars à très grosse charpente. Sean Burke, c'est un peu le même style. Et ce sont deux gars qui sont très mou un peu. Tu sais, Sean Burke, en entrevue, là, c'est aussi excitant que de la peinture qui sèche. Là. C'est un gars qui est vraiment, vraiment mou. Puis, tu sais, Carey Price, c'est un peu comme ça aussi, un peu, tu sais, des fois, il a pas l'air à son affaire ou tout ça, mais je trouve que là-dessus, le style, le caractère et tout ça, on va peut-être se rapprocher, faire en sorte de changer certaines choses. Puis là, on disait que pour les prochaines semaines, les deux prochaines semaines, ben, c'est celui qui travaille avec le Rocket, avec le Rocket de Laval qui va prendre la place pour deux semaines. Donc, on verra s'il y aura un changement dans tout ça. Mais la bonne nouvelle pour le Canadien, au moins, c'est que depuis deux matchs, on joue beaucoup mieux. Le spectacle était horrible hier soir, c'était plate pour mourir, mais au moins tu gagnes ton match, là, tu peux passer à autre chose que la première victoire, puis peut-être aussi faire en sorte que Price puisse retrouver sa confiance puis retrouver ses repères devant lui. Hey, parlant de Carey Price, François, il y a Larry Brooks. As-tu vu ça passer, Larry Brooks, qui a fait un espèce de débat si Carey Price a sa place au Temple de la renommée? Moi, j'ai pas vu que c'était Larry Brooks qui avait participé, ouais, par exemple. Mais j'ai vu qu'il y avait un article là, où on se demandait si aujourd'hui Carey Price serait un membre du Temple de la renommée. C'est une bonne question, par exemple. Ben, moi, je te dis que non. Le gars n'a pas gagné. Je suis d'accord avec toi. Il n'a pas gagné. T'sais. Oui, il va être le numéro un dans l'histoire des gardiens de but. Probablement un des trois dans les plus grands gardiens de but d'histoire, nombre de victoires dans l'histoire du Canadien, s'il n'y est pas déjà. Par contre, il va avoir eu ça parce qu'il a été longtemps devant le filet pour la même équipe. Parce que ce gars-là, moi je le dis tout le temps, il a une réputation surfaite. Là. Il a connu une bonne saison, là, vraiment, là, quand il a gagné le Hart et le Vezina, où ce qui a gardé le filet sont les attentes. Le reste du temps, là, il n'y a pas une fiche de 5. Il a gagné une série, on peut dire qu'il a fait la différence, c'est contre Pittsburgh. À part là, de ça, là, il n'y a rien pour gagner. On est loin de Martin Brodeur, Dominique Hašek ou encore Patrick Roy. Là. Puis la différence aussi avec les victoires, c'est qu'à une certaine époque, il y avait les matchs nuls aussi. Il n'y en a plus de matchs nuls aujourd'hui. Fait que t'es assuré d'avoir une victoire, une défaite en bout de ligne, ça change énormément. Très bon point. Puis moi, je dis souvent, Danny, tu sais, moi, personnellement, j'ai été un ardent défenseur de Carey Price, parce que j'ai toujours trouvé qu'on était très, très dur avec lui à une certaine époque, puis qu'on lui mettait beaucoup de choses sur le dos. Sauf que, tu sais, je veux dire, je regarde ça 10-15 ans plus tard, puis j'ai pas beaucoup d'arguments pour défendre son CV. Tu sais, tu as mentionné son passé. Il a fait certaines bonnes choses, surtout à l'international pour gagner, parce que là, tu sais, au niveau de la Ligue nationale, il n'y a pas grand-chose. Mais moi, je vais te le dire, ce qui va se passer, puis je suis convaincu de ça. Puis premièrement, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense pas que c'est... tu sais, il n'y a pas le résumé d'un gars qui doit aller au Temple de la renommée. Mais je pense que Carey Price va continuer d'accumuler les victoires, ne gagnera pas de Coupe Stanley, mais va quand même être admis au Temple de la renommée dans 10, 12, 15 ans, parce que tu as mentionné le nombre de victoires, c'est ça qui va faire foi de tout. Et partout ailleurs qu'au Québec, les gens apprécient plus Carey Price. C'est comme si les gens qui l'ont vu aux Jeux olympiques, l'ont vu dans certains moments, le voient garder les buts une fois sur cinq, puis toute l'aura qu'il y a autour, on dirait que ces gens-là, lui vouent un respect, puis c'est correct. Mais on disait qu'on le met sur un piédestal où il devrait pas être. Tu sais, comme tu as mentionné, sa réputation était un peu surfaite. Ça reste un bon gardien, mais tu sais, à un moment donné, quand on lui a collé l'étiquette de meilleur gardien au monde, quand on lui a donné un contrat excessivement lucratif qui lui a mis toute la pression du monde, je pense que tu sais, ça fait beaucoup, beaucoup de choses négatives autour de lui. Mais je suis convaincu que dans 10 ou 15 ans, il va être au Temple de la renommée en raison de son nombre de victoires. Puis je pense, il faut quand même lui donner. C'est pas un mauvais gardien. Il faut s'entendre. Non, c'est juste il répondra jamais, jamais, jamais aux attentes qu'on avait placées en lui. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que le fait que c'est comme... le gardien de but du Canadien de Montréal? Être le gardien de but du Canadien de Montréal, c'est comme être le carrière des Cowboys de Dallas. C'est comme être le titulaire du FC Barcelone. T'as le prestige qui vient avec. Est-ce que ça, c'est ça qui... Et puis, que ça l'a aidé beaucoup, je pense. S'il aurait été le gardien de but des Islanders de New York, pas sûr qu'on en parlerait autant. Non, ton point est bon, parce que regarde, si tu dis, tu sais, on prend le contrat de Carey Price, comme c'est parti-là, il va falloir qu'il l'endure jusqu'à la fin, parce qu'ils n'ont pas voulu l'échanger au bon moment. Les gens vont dire, écoute, il va avoir été là pendant, je sais pas, là, disons qu'il est là jusqu'à la fin de trentaine, mais pendant 20 ans, il faut le faire quand même. Tu l'as mentionné, c'est un rôle qui est difficile quand même parce qu'il y a beaucoup de pression, parce que tu dois répondre aux attentes, mais tu dois aussi parler aux médias dans les bons et les mauvais moments et tout ça. Puis finalement, tu es quelqu'un qui est très exposé à la critique. Puis tu sais, de garder les buts pendant 20 ans à Montréal, faut le faire. Mais avec des résultats qui ont été très mitigés. Puis on dirait que il y a eu une époque, faut être honnête, où le Canadien avait pas une très bonne équipe, il était pas très bien entouré. Mais on dirait que cette année, c'était vraiment sa chance de dire, écoute, Marc Bergevin a mis quand même une très bonne équipe sur la patinoire, puis c'était la chance de dire, bon, là, on a à peu près toutes les pièces du puzzle en place, puis finalement, c'est celle qui coûte le plus cher, qui est peut-être la position la plus importante, qui ne fonctionne pas. Alors, on verra si le changement d'entraîneur et tout ça vont changer les choses. Mais moi, je pense que tu sais que ça fonctionne ou pas cette année. Et Carey Price va rester quand même celui qui va être le numéro un, peu importe ce que Jake Allen fait devant lui. Ah ouais, c'est Jake Allen est là parce qu'il est en bonne chance. Mais tu parles de pour finir avec Price, dernière question. Est-ce que tu le vois l'an prochain aux Olympiques? Il va être là. Sauf que demain matin, tu me demandes à moi, Marc-André Fleury, Connor Hellebuyck et Carter Hart avant Price pour le Canada. Tu sais, ouais, puis, les trois. Mais, ben mais il va être là. Hein? Et puis, je suis d'accord avec toi, mais il va être là, Price. C'est sûr, il va être là parce qu'il fait partie du club. La seule raison pourquoi il ne serait pas là, c'est parce que s'il ne voulait pas y aller. Je ouais. pense que sa conjointe est enceinte de leur troisième. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, c'est sûr qu'il y a une vie familiale en dehors de tout ça qui, des fois, peut faire en sorte qu'il n'y aille pas. Mais tu sais, juste Hellebuyck est le gagnant du trophée Vézina. Hart, c'est l'avenir un peu du Canada devant le filet. Et Marc-André Fleury, on n'en parle presque plus parce qu'il est rendu à Vegas, mais il connaît toute une saison. Ouais, ouais. Il y aurait probablement deux ou trois autres bons candidats aussi, mais je suis convaincu que non seulement ça va être lui, mais je pense que ça va être lui le numéro un si tout se passe comme prévu et que les joueurs de la Ligue nationale vont aux Jeux olympiques. J'ai dit Hellebuyck, mais Hellebuyck est un Américain. Excusez-moi, c'est un bon point là-dessus, par exemple, mais il y en a quand même une liste de candidats intéressants. Mais rappelle-toi, dans les derniers Jeux olympiques, c'est des gars, on avait des Corey Crawford, puis des gars comme ça, qui étaient tous des bons gardiens de but, mais pas vraiment de numéro un, puis il y avait aucun doute que Price était le meilleur candidat. Là, on aura peut-être une discussion, mais je reste pas mal convaincu que ça va être lui, ça va être évidemment son dernier tour de piste à la mi-trentaine, mais que peu importe qui sont les autres candidats, que ça va être lui le numéro un. OK, Alexis Lafrenière, c'est sur place, hein? Oui, as-tu vu son but hier? Ouais, attends, ouais. C'est drôle parce que Lafrenière, tu sais, des fois, il faut que tu ailles un petit peu de l'expression, c'est le puck-lock, tu sais, un petit peu de chance avec la rondelle. Il s'en va vers le but, puis le gars le pousse dans le demi-cercle, puis Bouchnevitch, il lance directement sur lui, puis la rondelle dévie dans le but. Merci, son troisième, mais là, c'est peut-être le côté positif de l'histoire Artemi Panarin, c'est-à-dire que ça lui donne un petit peu plus de temps de glace dans des situations importantes. Tranquillement, pas vite, tu vois que la confiance va revenir. Mais je reviens souvent à la même chose dans le cas de Lafrenière. Moi, je dis toujours, la comparaison, il faut beaucoup plus que tu la fasses avec un John Tavares qu'avec un Sidney Crosby. Je pense qu'Alex Lafrenière est un excellent joueur de hockey, mais je pense pas qu'il soit un sauveur de concessions comme les gens puissent le penser. On parlait de Marianne Ossa. Je me rappelle l'année passée, là, on comparait à Marianne Ossa, mais ça, Mais il est comparé à Lafrenière. Un peu meilleur que Marianne Ossa. Oui, comparé à Lafrenière, parce que Lafrenière, c'est un gars qui vient de Rimouski, de l'Océanique, premier choix au pêcheur aussi. C'est un peu pour ça les comparaisons de Crosby. Oui, puis tu sais, le fait qu'à un moment donné, tu regardes la façon dont on l'a présenté aussi, parce que c'est pas un gars qui était bon quand il avait 4 ans. Là. C'est un gars qui s'est développé un peu sur le tard. Mais tu sais, si tu regardes aujourd'hui, puis on verra dans 10 ans, mais les gens, tout le monde avait une bonne opinion de Tim Stützle, puis je pense qu'il est en train de prouver très rapidement qu'il va devenir un excellent joueur. Est-ce que dans 15 ans, il va avoir des meilleurs chiffres que Lafrenière? J'ai hâte de voir, mais je me demande plus, est-ce que dans 15 ans, c'est pas les Kings qui vont se mordre les pouces d'avoir repêché Quinton Byfield? C'est ça que j'ai hâte de voir, parce que lui, ça, c'est un petit peu plus lent comme développement, mais le potentiel est là aussi. Donc, c'est un top 3 qui était assez intriguant pour le repêchage. OK. On va parler maintenant de baseball, François, puisque tu as été le dépisteur pendant le descripteur pendant longtemps des capitales de Québec. Hier, j'ai parlé avec Michel Laplante hier. Ils ont eu une aide financière de 200 000 $. Ça l'a aidé beaucoup. Sans ça, les capitales, je pense que ça aurait été très, très difficile. Ça va être encore difficile malgré cette aide-là. J'ai hâte de voir comment que ça va aller, parce que là, l'été, Bonamana va arriver très, très vite. Là, si les Blue Jays vont jouer encore à Dunedin, je vois pas pourquoi les capitales traversent encore la frontière. Comment tu vois tout ça? Ben, tu as vu, le calendrier est sorti à peu près quoi, une semaine, deux semaines pour la Ligue Frontier. Puis quand c'est sorti, Michel Laplante avait dit, puis d'autres personnes avaient dit que pour le moment, il n'y avait pas de plan B. Mais moi, je crois pas. Là. Je pense qu'il y a un plan B qui est prêt pour une mini-ligue canadienne, parce que, tu sais, il faut être honnête, là, si la saison commence, là, on parle du mois de mai, personne n'est convaincu que non seulement la frontière va être ouverte, mais que tu vas pouvoir voyager facilement, puis que tu sais, tout va être un peu compliqué. Moi, je pense que ça reste le plan B. Présentement, Danny, je pense que le plan B a autant de chances, peut-être même plus de chances d'arriver que le plan A, c'est-à-dire la saison normale. Donc, une espèce de ligue, tu sais, avec probablement Ottawa, Trois-Rivières, Québec. Est-ce que Winnipeg voudrait se joindre, le jeu des doutes? Mais peut-être qu'un endroit comme Québec pourrait y avoir deux équipes. Puis pendant une année, tu vas jouer à quatre ou à six clubs. Puis tu sais, je pense que les gens comprendraient très bien. Puis, tu sais, évidemment, j'ai moins de contact avec les jeunes des capitales parce que je travaille plus là, mais je peux te dire une chose, c'est que juste via les signatures des capitales, tu vois déjà que sur, disons, huit joueurs qui ont été signés, il y avait six, c'est pas sept Canadiens. Ouais, c'est pour te dire comment on s'assure que, je pense qu'il y a le gros Jalen Jackson qui est un Américain qui vient de la Floride, mais le reste, la plupart sont des Canadiens. Alors, si jamais c'est trop compliqué pour les frontières et tout ça, on va avoir un plan B, mais je vais te dire une chose, tu sais, l'aide de 200 000 fait du bien au capital, mais une chance que Jean Tremblay est là pour les capitales depuis quelques années. Jean Tremblay, c'est le propriétaire de Verdure, c'est lui qui a racheté les capitales. Mais Jean Tremblay, non seulement a grandement aidé les capitales, mais c'est lui un peu qui a sauvé la concession à Trois-Rivières aussi lorsque ça allait moins bien dans les premières années. Penses-tu que les Aigles vont être menacés aussi? Parce que eux autres, c'est encore plus... En fait, c'est plus fragile, c'est encore plus fragile. Ouais. Puis, si Jean Tremblay n'avait pas été là, ce serait déjà mort, les Aigles, ça, je peux te le confirmer. On grugeait de l'argent. Là, dans les dernières années, ça allait un petit peu mieux, mais évidemment, la pandémie fait excessivement mal pour des clubs comme ça. Mais le problème qu'on a, c'est que si Trois-Rivières disparaît, et Québec se retrouve dans le trouble un peu. Là. Il faut que tu gardes cette équipe-là vivante pour la rivalité, la proximité puis toutes ces choses-là. Mais je pense que c'est une année qui est très, très, très, très importante. T'sais, est-ce qu'on va être capable au moins de mettre une poignée de spectateurs dans les estrades puis essayer d'avoir un peu de revenus parce que ces équipes-là marchent pas sur l'or à chaque année. Si tu fais de l'argent, c'est des peanuts. Habituellement, t'en perds trois années sur quatre. Puis je veux dire, Jean Tremblay a travaillé très fort dans sa vie, puis il s'est construit quand même une belle petite fortune, mais il mérite de la dépenser comme il veut, puis pas juste de la brûler dans des activités comme ça. Pour ça que Jean a été très, très, très généreux pour le baseball, puis on va espérer que les choses se replacent pour tout le monde, parce que sinon, ça pourrait mettre quelques organisations. Mais là, avec la COVID, beaucoup d'entreprises qui commanditaient des organisations comme les Capitales, comme les Aigles, vont souffrir. Là. C'est pas sûr que la commandite va être là. T'ajoutes à ça le nombre de spectateurs réduit. Ça va être dur de trouver du financement, là, quelque part. Là. Oui. Ouais. Ben, j'ai hâte de voir, mais moi, je suis évidemment dans le contexte actuel. On verra comment les choses vont se passer. Mais je sais pas si tu as vu hier la nouvelle que le baseball 3 repoussait sa saison d'un mois. Là, tu dis à un moment donné, il y a des joueurs de Ligue mineure qui vont s'impatienter. Donc, je pense que côté joueur, on va avoir des choix. On a aboli des clubs et tout ça dans le baseball mineur. Je vais avoir du choix en masse. Mais la question est de savoir, j'ai des joueurs, j'ai un spectacle à présenter, mais comme tu dis, si j'ai le droit d'avoir 500 spectateurs dans les estrades, c'est dur de vendre la publicité dans le stade en leur disant qu'il n'y aura pas 4000 personnes, ils vont en avoir 500 à chaque match. C'est toutes sortes de détails comme ça qui font en sorte que ça devient difficile. Puis, je veux dire, qu'est-ce que tu vas offrir à ces joueurs-là pour venir? Le salaire est déjà assez bas. Mais tu pourras pas leur offrir grand-chose pour venir passer l'été au Québec. Là. Ils vont peut-être être plus payer tes dépenses que te donner un salaire si c'est jamais si c'est ce genre de ligue-là, c'est-à-dire une ligue à quatre équipes canadiennes qui aura lieu peut-être en 2020. J'ai posé la question à Michel si le dossier Manny Ramirez n'était pas mort. Il m'a dit qu'il était pas, c'était pas mort, ce dossier-là. J'ai hâte de voir. C'est bon pour le spectacle. Hein, ah non, mais regarde, même Manny Ramirez à Québec, là, je suis convaincu que ça serait tout un coup de marketing pour l'organisation. Je suis certain que ESPN débarquerait à Québec, puis t'aurais tout que. Puis le nom attirerait pareil. Ouais, ce qu'il faut, par exemple, c'est quand tu attires ce genre de nom-là, c'est que ce soit des gens sérieux, parce que je me rappelle quand les Tornadoes de Worcester avaient signé Jose Canseco, la série était venue, en tout cas, qui devait venir jouer à Québec, il y avait du monde. Puis finalement, il n'avait pas passé les douanes. En tout cas, c'est ce qu'on avait dit. Puis c'était toujours, toujours compliqué. Puis finalement, il n'était jamais venu jouer à Québec. Puis de temps en temps, tu voyais des anciens qui venaient. Mais c'était rare que c'était des gros noms. Fait que c'est sûr qu'un gars comme Manny Ramirez pourrait même venir jouer avec son gars. Ça pourrait attirer un certain nombre de personnes. Très imaginaire. François, un gros merci. On se reparle bientôt. Notre ami. Salut, bonne journée. François Paquette.